Les mots à la bouche sont parmi vous. Et je vous rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Allez à table. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on mange. Allez à table. Les mots à la bouche. Bonsoir à tous les amoureux de la bonne chair, des bons pinards, de ceux qui chassent la mélancolie et des bons mots, évidemment. Le mois de juin n'est pas loin, et sur le plateau des mots à la bouche, on aiguise déjà nos bouquins en pensant à nos lectures de plage. Et pas à n'importe quelle plage, chers auditeurs. Ce soir, je vous invite à faire escale sur les côtes italiennes, car nous avons le plaisir d'accueillir Marco Caramelli, écrivain de langue française pour qui la langue de Dante et le dialecte napolitain n'ont aucun secret. Bonsoir Marco. Bonsoir. Et à mes côtés, j'ai pour sonder le cœur de notre invité trois chroniqueurs, Robin Lewis, Théo Torresilas du magazine Saveur et exceptionnellement Sylvain Metafio de la revue Le Comptoir qui ce soir nous parlera de cinéma. Mais vous le savez, les mots à la bouche ont plus l'allure d'un restaurant que d'un salon poétique, car on y mange et bien sûr on y boit. Théo Torresilas, notre bien-aimé maître queue, dites-nous, qu'avons-nous au menu ce soir? Alors ce soir, nous dégusterons un carpaccio de bœuf accompagné de frites de patates douces. Le tout sera arrosé de vin italien dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure. Merci Théo, frites de patates douces qui sont en train de cuire à l'instant même dans le four du studio. Marco Caramelli, donc vous êtes l'auteur de trois ouvrages, dont deux romans, Lola et Single avec un point d'exclamation, et d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Les Nouveaux Monstres, paru en 2014 aux éditions Bruit Blanc, et notons-le avec une remarquable couverture, puisqu'on peut y voir un portrait de Fellini, rouge, noir et crayon à papier, le grand réalisateur italien Fellini, sur lequel nous reviendrons en troisième partie de cette émission et qui est dessiné par son ami Ettore Scola. Alors Marco, concernant vos deux romans, je crois que vous êtes en train de préparer une réédition et sur internet exclusivement. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Alors, c'est pas vraiment une, c'est une première édition. Donc oui, pour l'instant, seulement sur internet, donc on en version e-book, oui. Et j'espère que dans les prochains mois, les versions papier verront aussi le jour, parce que le lecteur français, européen en général, est quand même très très attaché au papier. Oui, au papier, donc, de vieille tradition. C'est plus qu'une tradition, c'est un vrai plaisir que je partage personnellement, et j'espère que effectivement ces romans verront le jour aussi en version papier, comme l'a été le recueil de nouvelles. Absolument, oui. Parlerons peut-être plus tard. Et les gens à ce moment-là pourront découvrir justement votre univers, qui est un univers qui vous est propre, qui est particulier, car comme de nombreux écrivains, vous semblez avoir des marottes, Marco, des thèmes autour desquels vous tournez. Ceux-ci sont éminemment ancrés dans la modernité, tels que par exemple les femmes. Je disais à Marco justement que le problème avec ces bouquins, c'est qu'on devient obsessionnel des femmes et qu'on tombe profondément amoureux et qu'on ne peut plus détacher son regard. Et justement, tous ces thèmes, c'est assez intéressant car vous les montrez sous un plan qui est assez souvent économique ou un plan marketing et qui donne une acidité très forte. Vous en êtes conscient, j'imagine. Est-ce que c'est une composante de vous-même? Qu'est-ce que... Alors, l'amour des femmes, c'est pas contemporain. Depuis que les hommes et les femmes existent, les hommes ont été amoureux des femmes, donc il n'y a pas forcément d'originalité substantielle sur ce thème-là. Moi, je pars du principe que, avec, je crois, 1500 romans publiés chaque année, s'il faut en rajouter un autre dans la liste, il faut pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et pour apporter quelque chose de nouveau, eh bien, on apporte sa sensibilité, sans doute. On apporte son style particulier, mais on apporte aussi une vision particulière des choses. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais un roman, c'est une symphonie. Il y a plusieurs éléments, et moi, ce qui est une de mes particularités, à part le fait d'être italien et d'écrire en français, c'est aussi peut-être quelque chose de plus original dans le panorama littéraire français, c'est que j'ai fait des études de management. Oui. Et j'ai été pendant longtemps, et je le suis encore pour quelques mois, professeur et chercheur en d'abord en management et puis en marketing. Et donc je pense que apporter, alors c'est toujours un peu satirique, je considère ma littérature comme étant profondément satirique, je sais très bien que on a tendance à penser que le marketing et le management d'un côté et les lettres de l'autre sont les choses les plus antinomiques qui puissent exister. Alors je prends un malin plaisir déjà dans mes livres à expliquer pourquoi ce n'est pas du tout antinomique, et en plus je fais exprès d'utiliser une terminologie souvent... oui, par exemple le viagier, je pourrais vous en citer plusieurs. Ouais. Oui, positionnement, stratégie, avantage concurrentiel, voilà. Je m'amuse à utiliser tout le vocabulaire du marketing et du management pour analyser par exemple les relations hommes-femmes. Je trouve qu'effectivement c'est une valeur ajoutée, en tout cas quelque chose qui permet de présenter les choses d'une manière différente, ouais, par rapport aux autres. Parce qu'encore une fois, je pense que quand on écrit un roman, c'est quand même important de se dire qu'est-ce que j'apporte de particulier. Ouais, justement, Robin, ouais, dites-nous. Ouais, justement, Marco, vous avez développé un thème qui vous est cher, qui revient beaucoup dans vos bouquins, justement, c'est ce rapprochement entre la littérature et le management. Mais comment vous pourriez essayer de convaincre les lecteurs qui ne vous ont pas encore lu et qui pourraient être rebutés par ce rapprochement que vous faites? Parce que vous l'expliquez dans vos livres, mais là, il faut donner un peu envie à l'éditeur de venir tâter un peu du bouquin. Mm-hmm. Comment vous pourriez essayer de convaincre quelqu'un qui est très sceptique et qui croit à cette opposition entre le monde de l'entreprise et la littérature? Alors, je vais répondre en deux parties. La première concerne la partie recherche. Quand on est professeur, chercheur dans l'enseignement supérieur, donc on a une partie du travail très importante qui est la création des connaissances, donc c'est la recherche, et une partie transmission des connaissances à travers l'enseignement. Et je pense que en quoi consiste la recherche en sciences humaines et sociales, et dont la recherche en marketing ou en management font partie. Ça consiste à observer la réalité. Alors, en général, on utilise des entretiens semi-directifs, on utilise des enquêtes par questionnaire, etc. À partir de cette observation de la réalité, on essaie de trouver des régularités que l'on transforme en théorie et qu'on présente comme étant des théories qui permettent de comprendre le comportement du consommateur. Si on s'intéresse au management des entreprises, à comprendre le comportement des salariés dans l'entreprise, on essaie de savoir comment les attirer, comment faire en sorte qu'ils travaillent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils ne partent pas chez le concurrent, etc. La littérature, selon de nombreux auteurs, ce n'est rien d'autre que une recherche aussi. Une recherche de vérité. Une recherche intellectuelle. Alors, elle n'est pas qu'intellectuelle, puisque les auteurs, en tout cas, qui, moi, me touchent, sont tous des auteurs qui n'ont rien fait d'autre que des observations empiriques de terrain. Qui sont-ils, ces auteurs, justement? Alors, des auteurs qui ont fait des études de terrain, il y en a des auteurs accrochés à la vie réelle, en tout cas, qui utilisent leur vie comme un matériau. Prenez Céline, je vais prendre les deux caricatures d'auteurs français. Céline, toute son œuvre, c'est ses observations personnelles qu'il a transformées en littérature. Proust, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça s'appelle bien la recherche. On appelle même son œuvre la recherche, en utilisant simplement le terme de recherche plutôt que recherche d'un perdu. Et Hemingway, ceux qui ont étudié l'œuvre d'Hemingway disaient que c'était une recherche sur la mort. Enfin, en gros, le processus est exactement le même. C'est-à-dire des individus qui ont vécu des choses, qui ont observé des choses, mm-hmm, qui vont analyser au sens recherche du terme, qui vont digérer et puis qui vont livrer des théories qui sont des illustrations de la réalité. Oui. Donc, mais on reviendra justement à ça, Marco, on reviendra à ça, parce que je crois qu'il y a, vous avez une démarche qu'on retrouve notamment chez Proust, et je vous expliquerai un petit peu pour ça. Mais avant, messieurs, nous allons trinquer, et nous allons donner la parole à Théo. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous ne méritez pas de boire. Et oui, attaquons tout de suite l'apéritivo, non pas avec un spritz, mais avec des bouteilles de vin. Notre hôte étant italien et le plat choisi de même, il fallait évidemment que je sélectionne pour accompagner notre repas quelques vins de ce pays. Le vignoble italien est bien trop méconnu en France, alors qu'il possède une richesse épatante de terroirs, de climats, de cépages, qui le ferait presque rivaliser avec le nôtre. Je dis presque par chauvinisme et par provocation, car en réalité j'ai les mêmes lacunes que mes compatriotes, je connais trop mal le vin italien. Mais je me soigne. D'autant que j'ai découvert, grâce à un salon sur les vins naturels italiens qui s'est tenu fin 2016 à Paris, que cette mouvance était au moins aussi développée que chez nous et que l'on boit de belles choses produites dans le respect de l'environnement en Italie aussi. Vous en doutiez, hein ? J'en doutais pas, mais ça nous le prouve. En tout cas, je ne sais pas, cher Marco, si vous êtes sensible à ces problématiques. Nous pourrons en discuter. Peut-être que ce discours soit un peu le bobo parisien franchement moderne. Encore qu'il faudrait, là aussi, qu'on en discute. Et vos petites lunettes en rajoutent un peu. Hein. Allez, laissez-moi terminer. Tout comme nous pourrions parler de l'anti-progressisme qui touche désormais les modernes fondus d'écologie. Mais bon, on risquerait de s'égarer et je n'aurai plus le temps de vous présenter les deux bouteilles que nous avons sous les yeux. Je ne connaissais pas exactement l'assaisonnement du carpaccio que nous allons manger, alors j'ai hésité un moment entre le rouge et le blanc. Avec un plat de viande, le rouge pourrait sembler logique, mais la viande crue, surtout accompagnée d'huile d'olive et de parmesan, est chargée de fraîcheur, d'acidité, de fondant, qui s'accorderont mieux avec un vin blanc. Alors nous sommes allés chercher la fraîcheur dans le nord de l'Italie, où le terroir est plus proche du sud de l'Autriche et où les vignes ont peu de chaleur. Au Castello di Stefanago, on produit cet assemblage de Riesling et de Müller-Thurgau, des cépages plutôt caractéristiques de l'Allemagne ou de l'Est de la France. Et puis j'ai aussi voulu tenter le vin rouge, choisissant pour le coup quelque chose de très nature dans son identité. Peu tannique, avec une belle présence de fruits pour apporter une touche joyeuse au plat. C'est un Vino Rosso nommé Naturalmente Rosso, vous excuserez mon accent. Il est vinifié par Morando Silvio dans la région du Piémont. Et enfin, les vins étrangers sont toujours un peu plus chers du fait du coût de l'import, mais vous trouverez ces deux bouteilles autour d'une douzaine d'euros chez un bon caviste. Merci beaucoup, Théo. Salute, messieurs. Salute. Et alors, je repars déjà à Proust, Marco, parce que vous n'êtes pas un écrivain de chambre. C'est-à-dire que la vie est votre matériau premier, et surtout la vie sentimentale. Alors là, je pars du côté de chez Houellebecq. À croire qu'on peut faire des ponts avec tous. Houellebecq disait « Heureusement que les dieux nous ont donné le pouvoir du sexe, car c'est notre seule consolation. » Et j'ai l'impression qu'à l'image de Proust, qui a énormément traîné dans les salons pour avoir la matière première de son œuvre, vous avez beaucoup été, je dirais pas traîné, mais du moins été dans, par exemple, une boîte de nuit qui est assez présente dans vos romans, qui s'appelle le Silencio, qui est à la fois un fantasme et un lieu bien réel. Et je pense que vous y avez été beaucoup été pour réussir à dépeindre justement toute cette atmosphère de vie nocturne parisienne, presque onirique. Absolument. Juste pour aller dans votre sens, je pense que pour écrire de la littérature, il y a deux éléments qui sont très importants. D'abord, écrire avec ses tripes. Je pense que si on n'écrit pas avec des choses qui nous ont tracassés et qui sont venues nous serrer les tripes à un moment donné, on va faire de la littérature McDonald's. Oui, si on veut transmettre des émotions, il faut que ces émotions, à un moment donné, soient rentrées dans nos tripes, qu'il y ait une sédimentation. Une littérature à l'estomac. Ouais. Et puis qu'on les sorte. Voilà. Donc les thématiques, je pense que c'est important que ce soit des choses qui nous aient, à un moment donné, touché émotionnellement. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que quand on parle de quelque chose, c'est important de parler de quelque chose qu'on connaît. Pourquoi ? Si demain je voulais raconter l'histoire d'un pilote d'avion, je ne connais rien au pilote d'avion, alors il faudrait que je me documente. Certains auteurs passent des heures et des heures à se documenter. Mais voilà, il y aurait des... Je serais amené à dire des banalités. À partir du moment où on connaît le terrain sur lequel on écrit, ben je pense qu'on est plus percutant, on va être en mesure de mettre le doigt sur les choses importantes. Donc pour répondre à votre question, le Silencio, je l'avais découvert il y a, je pense que c'était 2012-2013. Ah, donc au début de la rédaction de Lola notamment, c'est ça? Des nouveaux monstres, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y avait déjà une nouvelle qui se passe au Baron, entre autres. Il y en a une qui se passe au Baron et une qui se passe au Silencio, oui. Puisque c'était à l'époque où je sortais encore de manière importante dans ces lieux. C'était un peu avec le Montana aussi, ils ne m'en voudront pas, c'était un peu le trio des lieux mondains parisiens. J'ai eu l'opportunité à travers un ami qui était membre de ce club d'y entrer. Alors moi, depuis ma jeunesse, j'ai jamais été très passionné de boîte de nuit. Je l'ai trouvé grande, je trouvais que c'était un endroit où on avait du mal à socialiser, c'était trop grand, assourdissant, trop de monde, c'était trop cher, etc. Ce que j'ai trouvé au Silencio, déjà, bon, c'était effectivement la beauté du lieu, le fait que le lieu soit... Il y a un filtre à l'entrée important. Une boîte qui a été conçue par David Lynch, rappelons-le. Exactement. Et donc, effectivement, il y a cette ambiance très lynchienne. C'est un club culturel, donc c'est important de le préciser, puisqu'il y a une salle de cinéma, il y a des écrivains qui viennent présenter leur livre, il y a des concerts, etc. Et donc, c'est une population assez particulière qui finit, le lieu étant très petit, qui finit par se connaître. Et donc, il y a une facilité aussi du fait de l'agencement et du son qui n'est pas très élevé. C'est un lieu où on peut sympathiser, où il y a des habitués. Et donc, il finit par y avoir une petite socialisation, oui. Une vie particulière. Est-ce qu'on arrive à être heureux en allant au Silencio? Parce que ce qui est assez frappant dans votre littérature, Marco, c'est que le bonheur paraît toujours absent et que le meilleur moyen de se l'approprier pour quelques instants, c'est justement parfois un artifice. Et je ne voudrais pas gâcher le plaisir de nos lecteurs, mais la fin de Single est assez marquante parce que votre héros, justement, est assez apaisé, mais il n'a pas le sang, tout à fait vierge de tout produit. Alors moi, quand j'écris, ce qui me fait rire, ce sont les malheurs. Je crois que c'est Bret Easton Ellis qui a dit, on lui a demandé toujours, mais pourquoi vos romans sont toujours terribles, malheureux, etc. Il dit, bien, je pense que en littérature, les gens préfèrent les démons aux anges. Et je pense que, d'ailleurs, on parle d'art dramatique. Oui. La comédie est toujours considérée comme un sous-genre de la littérature. C'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes des masochistes et donc nous aimons les drames, nous aimons souffrir. Et donc moi, ça me fait rire d'avoir des situations dramatiques. Donc j'aime bien qu'à chaque fois, une histoire, il y a un moment donné où ça se finisse mal, où il y a des problèmes, etc. Je pense que c'est le cœur de l'art dramatique. Et je pense que les feel-good books, par exemple, pour moi, c'est renier totalement le cœur de la littérature, le sens même, les fondamentaux de la littérature, en disant, voilà, on va faire de la littérature McDonald's, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bien sûr, ouais. Et le roman, justement, est-ce que c'est la meilleure forme pour vous, artistique, pour réussir à courir après ce malheur? Alors, pourquoi ne pas écrire de la poésie? Pourquoi ne pas sculpter? Pourquoi ne pas être peintre? Est-ce que le roman s'est imposé à vous d'une manière tout à fait naturelle, ou vous êtes cherché? Quel a été le cheminement créatif, Marco? Mon père était artiste peintre. Oui. Donc, par mimétisme, certainement, j'avais commencé par faire de la peinture quand j'avais 14 ou 15 ans. Bon, ça n'a pas pris. J'avais aussi joué de la musique, donc comme tout adolescent qui se respecte, j'ai eu ma guitare sèche et ma guitare électrique. J'ai écrit des chansons et très rapidement j'ai senti que là, ça, il se passait quelque chose. Et même quand j'étais enfant, effectivement la musique me plaisait beaucoup. J'avais créé une batterie dans la cuisine chez ma mère avec des casseroles et des cuillères en bois. Je jouais de la batterie. Depuis ma plus petite enfance, je me souviens d'avoir essayé de lire même quand je ne savais pas lire. Et peut-être que... Était-ce pour séduire déjà une première amante ou pas? Pas encore à cette époque-là, mais je vais révéler une information que je n'avais jamais révélée. Chez ma mère, il y avait l'histoire d'eau. Ah oui, de Pauline Réage, c'est ça, si je ne me trompe pas. Je ne savais pas encore lire que je me suis retrouvé avec ce roman entre les mains, sans savoir de quoi il s'agissait. Et peut-être que d'une manière inconsciente, ce roman que je n'ai jamais lu en réalité, mais que je me souviens avoir eu entre les mains, parce que ma mère l'avait dans dans sa bibliothèque, et je jouais avec ce roman alors que je ne savais pas lire et que...

Alors, petit détail, j'ai fait mes études à Montpellier et Georges Brassens, comme vous savez, vient de Sète. Et pour moi, c'est un des auteurs, puisque je considère que c'est un auteur. J'ai tendance à mettre un peu sur le même niveau les écrivains, les cinéastes et les musiciens. Alors, c'est peut-être un blasphème, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, Georges Brassens, c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré, parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait le goût des mots, le goût du mot juste, et qui avait aussi le goût de la satire, qui voilà, n'avait pas peur de choquer et de tenir des propos qui peut-être à l'époque étaient très originaux par rapport à de la chanson française classique. Oui. Voilà, moi j'admire beaucoup un provocateur né. les individus qui savent être totalement en marge du trend classique. Voilà. Si je ne me trompe pas, Marco, vous êtes issu de la génération qu'on appelle X. Exactement. La génération des années 70. Ça n'a rien à voir avec le cinéma X, je vous rassure. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Mais vous en parlez dans vos romans, justement, de la génération X comme une génération dont les enfants ont été un peu laissés à eux-mêmes à boire du coca et à manger des nuggets pleins de ketchup tous les soirs. Et par rapport à la musique, justement, est-ce que l'évolution de la musique, plutôt les Y, donc ma génération, c'est ça, exactement, la génération des années 90. Exactement. Mais je rappelle que nous sommes en train de manger un carpaccio. Donc quelle était la ketchup. Question, pardon, par rapport à la musique, justement, est-ce que vous voyez une évolution? Je reviens un petit peu en silencio, après on quittera ça, mais est-ce que vous voyez justement une évolution par rapport au goût, c'est-à-dire les goûts de votre génération qui se changent peut-être en musique un peu plus électronique, ou est-ce qu'il n'y a pas un retour à la chanson française aussi? Alors, je crois qu'il y a deux phénomènes actuellement. Il y a effectivement eu la vague électro, R&B, hip-hop, etc. Bon, ça, c'est évidemment, c'est ce qui caractérise la génération Y. Quand j'étais étudiant, qu'est-ce qu'on écoutait? Nirvana, Guns N' Roses, etc. Enfin, c'était ça les musiciens à la mode aujourd'hui. Il y avait un énervement dans cette musique, il y avait une contestation, il y avait un aspect social. Je ne sais pas, chaque période a ses idoles. Moi, quand j'avais 15, 16, 17 ans, effectivement, c'était ça. Il y avait beaucoup de hard rock, il y avait beaucoup de grunge. Alors, il y avait Metallica aussi. Je vois que quelqu'un ici a un t-shirt oui, de Metallica. Nous avons du public ce soir et Metallica est représenté. Après, il y a eu l'électro, le R&B et le hip-hop qui sont arrivés. Très bien. Mais effectivement, je pense que comme toujours, un type de musique ne remplace pas totalement, il vient se mettre en couche par-dessus. Successive, il vient ouais. se superposer. C'est exactement comme le e-commerce, par exemple. Le e-commerce, aujourd'hui, il se développe, etc., mais il n'a pas remplacé le commerce classique. C'est juste une strate qui vient se poser sur les strates précédentes, et puis tout cohabite, exactement comme le cinéma. Alors aujourd'hui, je plains les archéologues du futur que tout de même par rapport à la musique. Oh, moi, je suis pas, je suis pas un très grand amateur de musique. Elle vous inspire lorsque vous écrivez la musique? Parce que vous en parlez parfois, notamment d'un groupe électronique qui s'appelle Bubble Bass, je crois. Oui, alors dans le single, il y a beaucoup de la musique est très présente parce que je voulais que alors soit les personnes qui connaissent les morceaux imaginent la musique est en train de passer pendant l'histoire, soit qu'on soit curieux et qu'on aille écouter cette musique, parce que je pense que la musique crée tout de suite des images, des ambiances, des atmosphères, et je pense que vous savez, quand vous regardez les films des années 60, le fait qu'il y ait de la musique de cette époque-là, tout de suite ça crée une ambiance particulière. Donc j'ai souhaité qu'il y ait que la musique qui passait au silencio à cette époque, à l'époque où le roman se déroule, oui. Voilà, que ce soit identifié. Ça, c'est aussi une manière d'écrire. Vous avez deux écoles de pensée. Ceux qui pensent que un roman doit être totalement déconnecté de son époque, c'est-à-dire il ne faut Il faut que ce soit universel. Ah, il y a une matière vivante chez vous, une matière qu'on peut même retrouver au coin de la rue et vivre un peu d'une manière permanente entre le roman et la réalité, que tout ça se mêle. On verra ça plus tard, mais un peu à la manière des films de Fellini. D'ailleurs, on voit par exemple le cadreur, on voit le perchman ou tout ce que vous voulez. Mm-hmm. Et Marco, je vois que vous mettez à attaquer les frites de patates douces et je vais vous rendre à votre assiette et je vais laisser Théo, qui nous a remarquablement servi, nous présenter ce qu'on mange. Les mots à la bouche. Il y a parfois de jolis mystères derrière les noms des plats cuisinés. On sait en général que le Paris-Brest est appelé ainsi parce qu'il a été créé en l'honneur d'une course cycliste et c'est pour cela qu'il a la forme d'une roue. Les bouchers à la reine ont été nommés de cette manière car c'est la reine Marie, délaissée par Louis XV, qui les a créés avec les cuisiniers de la cour à partir d'ingrédients aphrodisiaques pour contrer la rivalité de Madame de Pompadour. Certains plats recèlent un monde insoupçonné. Lorsqu'on regarde ces fines tranches de bœuf cru joliment disposées dans l'assiette, on ne pense pas nécessairement à l'un des plus grands peintres italiens des 15 et 16e siècles, le chef Giuseppe Cipriani, qui officiait au Harris Bar de Venise en 1950, si. Il sert ce plat à une duchesse, qui ne peut pas manger de viande cuite, durant une exposition de Vittore Carpaccio, et le rouge des toiles lui rappelle la chair tranchée. Moi, le carpaccio, ça me rappelle les bistrots romains. Vous allez dire, Théo, tu es journaliste culinaire, tu fréquentes de belles tables. Vous avez lu Astérix, oui. Voilà. Non, le bistrot romain, la chaîne. Ah, très bien, moi, je m'en suis pas là. La chaîne de bistrot italien. Non, mais c'est pas forcément très noble. Donc peut-être que je pourrais avoir des références plus exigeantes, je pourrais, mais quand j'avais 10 ans, sur la place Wilson, en plein cœur de Toulouse, vous connaissez Yves. Absolument. Nous allions parfois manger au bistrot romain avec mes parents et mon père commandait toujours le carpaccio. Pas moi, je me souviens d'ailleurs plus du tout de ce que j'y mangeais, mais je sais que j'avais peur de cette viande crue, du goût puissante que je lui prêtais. Mais l'atout principal de ce plat, le luxe ultime à mes yeux d'enfant, c'est qu'il était à volonté. Quand on avait fini l'assiette, d'un signe de la main, on pouvait en obtenir une nouvelle. Et ainsi, à discrétion, mon père en prenait 3 ou 4 selon son appétit, mais on nous racontait toujours l'histoire d'un groupe de copains qui venaient pour en manger le plus possible, se défier à coups de fourchette dans la ville du rugby, vous imaginez. On raconte qu'ils en mangeaient 10, 15, 20, je ne sais plus, mais cela pouvait paraître, semblait toujours gargantuesque. Gargantuesque. Mmh. Et c'est comme ça que ce plat léger, estival, servi à une duchesse, baptisée d'après un artiste raffiné, évoque en moi des images d'orgies interminables. Merci beaucoup, Théo. Les orgies, on y vient, la grande bouffe. Allez, on mange. Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table ! Marco, au moment où on entend parler de Lino Ventura, on le sait que la nourriture est quelque chose d'extrêmement important dans la culture italienne. Et on sait d'ailleurs, notre précédent invité ici qui nous parlait de Kessel, de Gary et de Ventura nous disait bien qu'il ne fallait pas le regarder manger car il avait toujours l'impression qu'on allait lui piquer son assiette. Est-ce que c'est une chose qui est restée très présente en vous? Parce que vous parlez souvent de cuisine dans vos romans, disant notamment que les femmes ont arrêté de cuisiner parce qu'elles peuvent se prendre une fatwa de la part des féministes à tout moment. Est-ce que vous cuisinez, vous? Alors oui, je cuisine beaucoup. Ça fait partie de une des rares activités manuelles que je pratique d'une manière quasi quotidienne. Je suis très attaché à la... disons à l'artisanat, et bon, en vivant à Paris, évidemment, les possibilités sont limitées, donc depuis toujours, c'est la cuisine qui a été l'activité manuelle dans laquelle j'ai été le plus, qui m'a le plus passionné, bon, évidemment pour des raisons familiales, puisque mes deux parents étaient très passionnés de cuisine, enfin... Quand on est italien, déjà, c'est un pléonasme d'être passionné de cuisine, puisque c'est un peuple, l'Italie, enfin les Italiens sont un peuple qui sont vraiment obsédés par la cuisine et la nourriture. Et l'idée de la bonne cuisine ou le tout est de manger? Ah non, c'est une obsession de la cuisine de qualité. Si vous écoutez des Italiens discuter, ils ne parlent que de ça. Oui. Par exemple, ils sont allés en voyage en Grèce. Ils vont d'abord vous expliquer ce qu'ils ont mangé et puis éventuellement s'ils ont vu des temples ou un beau paysage. Mais la nourriture. C'est ce qui est très important. Et si nous avons le temps d'évoquer ce point, La différence avec la France est une différence qui aujourd'hui me paraît être de niveau sociologique. C'est-à-dire que je pense qu'on partait du même niveau. La France et l'Italie étaient deux pays de gastronomie. Ce qui s'est passé en France par rapport à l'Italie, qui à mon avis fait qu'aujourd'hui il y a une belle distance entre les deux pays, en réalité, je ne parle pas des restos 3 étoiles, etc. Je parle de la réalité quotidienne des gens. C'est la modernité française, je pense que ça a détruit beaucoup de la culture culinaire française. Je m'explique. L'Italie est beaucoup, un pays beaucoup moins développé que la France. Et donc, que se passe-t-il en Italie ? Le schéma classique d'un jeune Italien, c'est quand il est enfant et adolescent, c'est sa mère, voire sa grand-mère, qui le nourrissent quotidiennement, et donc il est habitué à manger de la bonne cuisine. Oui. À 18 ans, il reste chez papa et maman, et c'est toujours maman et mamie qui lui préparent à manger, et ça dure très longtemps, jusqu'au mariage. Et il finit au cordon bleu, Panzani Alors, il finit, je ne sais pas où, mais en tout cas, jusqu'à l'âge de 30 ans, en tout cas, il est habitué à un standing de nourriture qui est très élevé. En France, qui est donc, pour des raisons positives, c'est-à-dire que France, qui est un pays beaucoup plus développé, que se passe-t-il ? À 18 ans, on part à l'université, donc comme on a envie d'être indépendant, soit on va dans une cité universitaire, soit on prend son petit studio, et donc on commence à manger des cochonneries à partir de l'âge de 18 ans, et ça ne s'arrête plus. D'accord ? On va manger des petites boîtes, des sardines. Vous êtes passé par là, etc., également lors de vos études à Montpellier ? Exactement, bien sûr. Et j'ai vu la différence. Moi, j'ai passé pas mal d'années en cité universitaire. Et vous aviez alors, il y avait des gens qui venaient de tous les pays. Vous aviez les Africains qui cuisinaient régulièrement. Vous aviez les Asiatiques, évidemment, qui cuisinaient. Les Italiens qui cuisinaient. Les seuls qui ne cuisinaient pas, c'était les Français. Du coup, sont habitués à partir de l'âge de 18 ans à manger un peu n'importe quoi. Et quand ils reviennent le week-end chez les parents, etc., bien, ils ont une mère. Les pieds sous la table, ils ne cuisinent pas eux-mêmes. Ben, ils ont une mère qui déjà ne cuisine plus. Pourquoi ? Parce qu'en France, les femmes travaillent beaucoup plus qu'en Italie, donc elles ont moins le temps de cuisiner, etc., etc. Et du coup, il y a une habitude à la bonne cuisine qui est beaucoup plus faible. Et je pense que c'est pour ça aussi que les restaurants ici ont une concurrence plus faible qu'en Italie. En Italie, un restaurant, il doit être compétitif par rapport à la cuisine maison. Oui. Ici, sachant que les gens, ils mangent n'importe quoi chez eux, dès qu'ils vont au restaurant, tout est exceptionnel, parce qu'évidemment, la concurrence par rapport au truc qu'on va se faire à l'arrache, eh bien, est nettement plus faible. Donc c'est pour ça qu'aussi que les restaurants, si vous demandez à des Italiens qui viennent à Paris, qu'est-ce qu'ils pensent de la nourriture ? En général, ils ne sont pas très enthousiastes. Oui. Mais il y a une chose intéressante, justement, Marco, dans ce que vous disiez. C'est la notion de voyage, le voyage par la nourriture. On peut aussi avoir un voyage par l'ivresse ou un voyage sensuel. Et Robin pourra me contredire, lui qui a lu Single, mais il y a une tentation du voyage dans vos bouquins qui est assez fréquente, mais qui a du mal à se concrétiser. On retrouve ça également dans vos nouvelles, dont une qui s'appelle « Je quitte l'entreprise ». Exactement. Comme si la société sur laquelle vous posez, vous et vos héros, un regard extrêmement acide, très désabusé, était un mal nécessaire au final, comme si on voulait partir mais on ne peut pas, et qu'on reste accroché justement à cette ville qu'on finit par aimer, comme un malheureux finit par aimer son malheur. Il y a un côté métaphorique. C'est vrai que maintenant que vous mettez le doigt sur ce point-là, dans beaucoup de mes écrits, il y a des individus qui voudraient partir et qui n'y arrivent pas. Donc il y a effectivement cette idée qui, entre nous, n'est pas très originale, hein, du fait que nous soyons dans une société qui, par rapport à... Je compare par exemple à la littérature de Bukowski ou la Beat Generation, etc. C'était une époque où la vie n'était pas chère. On n'avait pas des liens très forts, on pouvait trouver du travail facilement. Donc on pouvait se dire, bah, tiens, je pars. Je trouverai de quoi me loger facilement, je trouverai un petit boulot sur place, etc. Donc, ça, c'était matériellement plus simple. Aujourd'hui, on revient à l'aspect économique là, de la chose. Oui, mais effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, la société, tout est fait, en tout cas dans les sociétés occidentales, pour nous empêcher de nous évader. C'est-à-dire, pour avoir un logement, il faut avoir un CDI, on a des abonnements pas possibles, on a l'impôt sur le revenu à payer sur l'année précédente, donc on est esclave de tout un tas de coûts qui font que, voilà, on peut pas juste dire, allez, enfin, à moins d'être fortuné, hein, mais ça, il y a peu de gens qui le sont. C'est très difficile pour trouver un boulot. Alors là, c'est la croix et la bannière, il faut passer des entretiens, etc. Enfin, à moins d'être dans des cas très spécifiques, aujourd'hui, il est très difficile de s'évader. Mais et donc, on est coincé là. On peut avoir une évasion par l'écriture, par les passions. Moi, je pense à l'écriture par rapport à vous, qui dites à un moment, j'ai aussi compris l'intérêt d'écrire. Écrire, c'est faire des fouilles archéologiques sur soi-même. On découvre tout un tas d'objets enfouis et oubliés qu'on peut nettoyer, illustrer et placer dans une vitrine que des touristes ébahis viendront t'admirer, prendre en photo avec leur smartphone avant de les poster sur Instagram ou Facebook. Là, il y a justement une concentration de votre style et on voit que l'écriture est un moment presque anachronique en fait. C'est comme un présent éternel et un voyage aussi dans le passé, mais un voyage émotionnel. Alors effectivement, ce petit paragraphe là que vous avez, que vous venez de lire, c'était une idée que je voulais présenter, qui était que quand on se mettait à écrire, alors là c'est totalement personnel, on découvre des choses en fait. C'est comme si on faisait une psychanalyse, c'est comme si on faisait un entretien libre de psychanalyse, c'est-à-dire que voilà, on tombe sur des choses, on tombe sur des idées. C'est un moment où on est devant une page et c'est vraiment ça, on fait des fouilles archéologiques sur soi-même. Oui. On va retrouver des choses qui nous sont arrivées, on va retrouver des sensations, on va retrouver des personnes. Alors que dans la vie de tous les jours, on est occupé, on n'y pense pas. Là, c'est comme si on faisait une psychanalyse de soi-même et qu'on allait chercher en profondeur dans son subconscient ou dans sa mémoire des choses qui autrement était resté enfoui et avait totalement disparu. Alors, on espère que ça intéressera le lecteur et on essaye de mettre ça en forme de telle sorte qu'elle va l'intéresser. Mais c'est vrai que pour l'auteur lui-même, je pense que l'écriture, c'est aller faire une fouille archéologique sur son passé et ça me fait penser à... Donc c'est une nécessité pour vous, ce travail de création ? C'est une nécessité, certainement, certainement. Une nécessité psychiatrique. Oui, ça permet de faire une... Moi, j'ai essayé de faire des psychanalyses, j'ai pas du tout aimé l'idée que ça dure des années, etc. Par principe, une thérapie qui dure, qui a une durée indéterminée, je trouve ça louche. D'ailleurs, quand on commence une thérapie, on part du principe que vous êtes malade. Oui, effectivement, non, mais c'est pas ça qui me gêne. Est-ce que vous avez refusé d'être considéré comme malade? Ah non, pas du tout, ça, il n'y a pas de souci. Non, mais par contre, une thérapie où on m'explique qu'en fait, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, je trouve ça louche. Et par contre, j'ai fait appel à une hypnothérapeute à plusieurs reprises, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'elle m'a expliqué que le principe était exactement le même que le principe de la psychothérapie, sauf qu'à travers l'hypnose, on pouvait rentrer dans le subconscient d'une manière plus directe. Et deuxièmement, c'est qu'elle m'a expliqué que le nombre de séances qu'il faudrait envisager était du nombre 2, 3, 4. Donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant que la psychanalyse. Bien. Sur ce, messieurs, nous allons passer à la deuxième pause musicale et nous allons aller vers le cinéma pour que Sylvain puisse nous faire une présentation, car nous allons vers un cinéaste qui vous est très cher, Marco. C'est un cinéaste italien, c'est Fellini. Donc nous restons en Italie et je vois déjà dans vos yeux, Marco, se dessiner les images de Claudia Cardinale et d'Anouk Aimée, car Fellini nous rend visite et nous allons écouter le thème de son film 8 et demi, orchestré par Nino Rota. Musique, maestro. Thank you. Les mots à la bouche. Claudia, Claudia, vous me faites battre le cœur comme un adolescent. Et vous êtes toujours sur Web7 Radio à écouter Les mots à la bouche en compagnie de Marco Caramelli. Marco Caramelli qui a été profondément marqué par Fellini. Et d'ailleurs, dès les premières lignes de Single, il compare une femme aux lignes de la campagne toscane filmée par Fellini. Et Sylvain Metafio de la revue Le Comptoir va nous en faire une petite présentation. Comment oublier cette séquence immortelle ? Celle d'Anita Ekberht et Marcello Mastroianni se baignant dans la fontaine de Trevi tout en sensualité hypnotisante. La douceur de vivre dans sa plus parfaite représentation. Tout le monde la connaît, même ceux qui n'ont pas vu le film. Et pourtant, les souvenirs sont trompeurs. Fellini se définissait lui-même comme un grand menteur. La Dolce Vita, puisqu'il s'agit du film en question, le plus célèbre du cinéaste italien, n'a rien d'une agréable déambulation dans les nuits de Rome, mais constitue davantage la satire grinçante d'une société décadente qui a érigé la fête perpétuelle comme mode de vie, l'abrutissement comme jouissance infantile. L'œil de sa caméra n'épargne personne. La bêtise des stars du cinéma, l'hystérie des journalistes, la débauche des mondains, le désespoir des intellectuels, l'ennui des aristocrates, la bigoterie du peuple. L'élan festif est vu comme un saut dans le vide, l'épanouissement sexuel entraînant l'appauvrissement des sentiments amoureux, la pipolisation gangrénant même les sphères culturelles. D'où le grand malentendu sur Fellini. Bien que détaché du néo-réalisme, il demeure plus moraliste que libertaire. Le sexe n'est pas tant une volupté du corps qu'un séduisant néant. Chez Fellini, le désir est presque grotesque, l'érotisme presque morbide. Son Casanova, notamment, en témoigne. Et pourtant, nul ressentiment glauque. Fellini porte en lui une allégresse triste envers le monde. Une indulgence envers la vie, comme le dit Pierre Cranmary. Si certains plans mettent parfois mal à l'aise, si certaines scènes peuvent dérouter, ces films ne sont jamais antipathiques. De ce point de vue, Fellini, c'est l'anti-Haneke. Alors bien évidemment, nous pourrions divaguer des heures sur son style baroque, sa galerie de personnages clownesques et exubérants, du couple de forains de la Strada à la croisière onirique de Évogue le navire, en passant par la poésie étourdissante de 8 et demi, le tout bercé par la musique sublime et obsédante de Nino Rota. Mais le temps me manque. Alors ce n'est sans doute pas un hasard, mais sur la couverture de votre livre, Marco Caramelli trône le portrait de Fellini, le même dessin que l'on retrouve sur l'affiche du très beau film Quatore Scola, a consacré à son ami en 2013, qu'il est étrange de s'appeler Federico. Reconstituant ses souvenirs épars en une mise en scène impressionniste, Scola voulait justement montrer la joie de Fellini. Je cite « On riait beaucoup avec Federico, de la vie, du monde et de lui-même ». Fin de citation. Ainsi, à rebours du lieu commun selon lequel on vivrait désormais dans une « entre guillemets société de l'image », c'est-à-dire une société superficielle, une société du mensonge, Fellini est sans doute le réalisateur qui prouve le mieux que l'illusion de l'art est nécessaire pour survivre à la réalité. Que ce sont les images, justement, celles qui nous obsèdent et nous décollent de nous-mêmes, qui nous permettent de résister à l'ère du temps publicitaire. Que le cinéma, en somme, est un art de la vie. Merci beaucoup Sylvain, merci pour cette belle présentation. Robin, vous vouliez rebondir dessus ? Oui, bien sûr, parce que je vais rebondir sur ce que vient de nous dire Sylvain. Avec Federico, on riait beaucoup. Federico Fellini nous amène effectivement à une conception de la femme qui est très particulière. Et cependant, chez vous, Marco, on ne rit pas forcément beaucoup, et la femme peut être vue comme une forme de proie qui se consomme de manière boulimique, je pense notamment à Single. J'attends de vous une petite explication de ce lien qui est tout à fait faisable. On le voit, il est en filigrane, l'inspiration que vous avez de Fellini, mais disons, comment êtes-vous arrivé à cette conception de la femme qu'on retrouve dans vos livres, qui est extrêmement cynique et ironique ? Je partage pas du tout ce point de vue selon lequel la femme serait une proie. Alors vous avez pas utilisé le terme de misogyne, etc. Mais un jour, on a posé la question à Charles Bukowski, un journaliste, qui a demandé « Oui, mais vous maltraitez les femmes, vous en parlez d'une manière négative, etc. » Et Bukowski a répondu « Where did you get that shit ?» En gros, je pense que dans mon œuvre, la femme est mise sur un piédestal. C'est ce que j'essaie de montrer, c'est l'absolue valeur de la femme, enfin la femme comme étant la valeur absolue. C'est-à-dire que je pense que un monde sans femme n'a absolument aucun intérêt, et que un homme, alors certains hommes ont d'autres préoccupations, mais la catégorie d'homme à laquelle je fais partie, tout ce qu'il fait dans sa vie est plus ou moins à 100% un cadeau ou quelque chose qu'il fait pour les femmes. Donc, c'est ce que vous pouvez voir comme une proie, c'est parce que, évidemment, quand on parle de des hommes et des femmes, etc., évidemment, comme je fais de la littérature satirique et que j'aime bien me moquer de tout le monde, je pense que la satire n'est intéressante qu'à partir du moment où elle ne se focalise pas sur une catégorie d'individus particulière. J'aime bien me moquer des hommes énormément. Je les connais beaucoup moins que les femmes, mais j'aime bien me moquer des hommes. Et donc, quand je parle des hommes, je les montre effectivement parfois comme des animaux, comme des chasseurs de proies. Mais c'est quelque chose de satirique. Moi, j'ai juste un amour absolument sans limite pour les femmes. Pour moi, c'est la chose la plus importante de l'existence. Quoi. C'est ce que disait Romain Gary, justement, que le monde tient sur la féminité et que sinon, il n'est rien. Et pour rebondir justement sur Fellini, je pense à Maestro Yanni qui, dans 8 et demi, est en dépression, que les femmes emmerdent profondément, mais qui, au final, a un besoin viscéral de ces femmes car il ne peut pas vivre sans. Mm-hmm. Et je sais que ce film vous a marqué puisque on retrouve la scène du harem qu'il y a dans 8 et demi, dans Single. Et vous avez une écriture assez cinématographique, Marco. Est-ce que vous avez déjà pensé justement à une adaptation, ou est-ce que c'est une sorte d'hommage justement littéraire à ce cinéma qui vous a marqué? Je n'ai pas pensé. On m'a souvent posé la question, pourquoi tu n'écris pas des scénarios de cinéma? Ça rapporte beaucoup plus d'argent que les romans. Les romans, tout le monde s'en fout, etc. Et donc, vous voyez, je peux paraître comme quelqu'un qui ne pense qu'au management et au marketing. Et en réalité, alors qu'effectivement, les scénarios, on ne dit pas scénarii apparemment, il faut dire scénario avec un S, sont le pouvoir, enfin, le potentiel de porter le plus d'argent, je ne me sens pas de faire ça. J'aimerais, honnêtement, qu'un grand scénariste prenne mes écrits et les transforme en scénario, mais moi je m'en sens pas capable. C'est pas un moyen d'expression qui m'intéresse, parce que le scénario, alors évidemment certains réalisateurs, et on pourra parler peut-être de Jean Eustache, bien sûr, on va y venir, on demandera François à Sylvain Truffaut, notamment. Ont réussi, enfin, écrivaient des scénarios qui auraient pu être des romans. Mais moi, aujourd'hui, je m'en sens pas encore capable. J'ai encore à exploiter le roman, mais je serais très heureux. Et je pense effectivement que, comme mes écrits sont très visuels, très cinématographiques, je serais très heureux qu'un jour un cinéaste ou un scénariste s'en empare pour transformer ses œuvres en film. Ouais. Nous enverrons une lettre à Scarlett Johansson pour être bien sûr qu'elle tienne le premier rôle. Sylvain, Fellini justement, est-ce qu'il a une particularité profondément italienne? Est-ce qu'on pourrait trouver un Fellini en France, ou est-ce que non, au contraire, Je n'ai pas l'impression. Non. Fellini, c'est quand même une sorte d'exubérance qui était propre au cinéma italien, notamment des années 60-70, un peu oui. Dans l'âge d'or de la comédie à l'italienne. Encore que lui, c'est pas vraiment de la comédie, c'est d'où le malentendu. On a l'impression que c'est toujours très joyeux. Il y a une certaine joyeuseté, il y a une joie de la vie, mais c'est toujours grinçant, il y a toujours une certaine sorte de critique. Burlesque, grotesque, justement, oui, mais voilà, qui a une profondeur voilà. Métaphysique aussi, et qui a... Tout à fait, alors le grotesque, effectivement, ça se voit dans la galerie de personnages, effectivement, oui. Que ce soit des femmes énormes, enfin des orgies démesurées, un rhinocéros qui embarque sur un navire, une croisière complètement délirante, mais oui, pour revenir effectivement à Eustache, enfin, c'est pas le même rapport, mais La maman et la putain, dans une sorte de film somme, effectivement, sur une espèce de couple à trois, de ménage à trois, complètement renversant, qui a scandalisé à son époque. Et en fait, de quelle manière on a le scénario justement effectivement sous la table, qui dit à un moment Jean-Pierre Léo parle à une de ses ex, enfin une fille qu'il essaie de retrouver, de revoir, mais elle lui dit qu'elle est en couple avec un autre homme. Il lui dit mais vous bâtissez sur du pourri. Enfin c'est quand même assez fort, justement pour cette époque-là. Ça rejoint peut-être un peu Fellini, je ne sais pas s'il dit « vous bâtissez sur du pourri », mais il y a, notamment dans la Dolce Vita, cette espèce de grincement tout du long, le fait de dire « la société moderne, finalement, n'est que vacuité tout du long ». Et est-ce que ça rejoint un peu ce que vous décrivez dans vos romans d'une certaine manière. Juste une précision, La Maman et la Putain, donc, qui est un film de Jean Eustache, difficilement trouvable, mais qui a eu une rétrospective à la Cinémathèque à Paris il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc on suit, c'est un long film, je crois, qui dure à peu près 3 heures, on suit Jean-Pierre Léo dans une déambulation à travers Paris, c'est bien ça? Alors, l'anecdote sur Jean Eustache que je peux vous raconter, c'est que quand je suis arrivé en France, donc j'étais au collège et au lycée à Narbonne, et un de mes meilleurs amis, qui est toujours un de mes meilleurs amis, et qui est d'ailleurs un personnage de Lola... Est-ce le fameux Jed? Non, c'est un personnage de Lola, pas de single. Son père a joué dans 2 films de Jean Eustache, parce que Mes petites amoureuses et Le Père Noël a les yeux bleus, oui, ont été tournés à Narbonne. Et donc Henri Martinez, qui était le père de cet ami, a joué dans les 2 films. Et donc quand j'avais 12, 13 ans, 15 ans, 16 ans, etc., il m'avait parlé je connaissais son père très bien, et donc je savais qu'il avait joué dans des films de Jean Eustache. Mais à l'époque, je m'en foutais complètement. Et en grandissant, j'ai compris qui était Jean Eustache, et donc je suis allé après son décès, puisque malheureusement il est décédé assez jeune. Il est mort assez jeune, ouais. Je suis allé, non pas Jean Eustache, mais le père de mon ami, oui, qui a joué dans... Mais Eustache, il me semble, aussi. Ouais. Oui, ben lui aussi, bon, pour il a pas manière vécu encore longtemps, plus... avec encore un humour plus, assez grinçant, en laissant un mot sur la porte, si je ne réponds pas, je suis mort. Je crois que c'est lui, ouais. Et donc j'ai découvert Eustache en me disant, tiens, j'en ai entendu parler depuis que j'ai 12 ans, et je me rends compte a posteriori que c'est un immense réalisateur. Et donc, à part Mes petites amoureuses et le Père Noël à les yeux bleus, j'ai découvert La Maman et la Putain. Et alors là, pour moi, c'est... ça fait partie de ces films qui sont totalement au-dessus du lot, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, que j'ai encore revus... il y a un mois, je crois, à la Cinémathèque. Et d'ailleurs, j'ai été vraiment très déçu, parce que la salle était comble. C'est une salle immense qui était comble. Et après les 3h27, j'ai senti que le public n'était pas très enthousiaste. Alors je me suis dit, tiens, ce sont des bobos qui sont venus là par snobisme. Et en fait, ils n'ont rien compris au film. Parce que c'était... moi, je l'avais vu, je sais pas, 5 ou 6 fois. Je l'ai trouvé encore plus grandiose au cinéma. C'est, pour moi, voilà, ce sont ces films qui, des individus qui à un moment donné ont une illumination, ils arrivent à faire quelque chose de grandiose. Et quand j'écris, mon objectif, c'est d'arriver un jour à produire quelque chose de ce niveau-là. Voilà. Oui, là on peut penser à Louis Malle également avec le Feu Follet, où c'est de cette même manière un être assez désabusé, mais qui a eu un amour de la vie telle. C'est ce qu'on dit, que les suicidés sont des gens qui ont une telle espérance, un tel amour de la vie, que la vie elle-même ne leur suffit plus. Et c'est ce qu'on retrouve notamment avec Maurice René dans cette déambulation. Et ils ont certains parallèles, c'est qu'ils s'arrêtent au bistrot. Là, je pense au Café de Flore, je crois qu'ils donnent une scène à La Maman et la Putain. C'est au Domago. Il y a plusieurs scènes, ouais, au Domago, où il est avec son ami, il déambule, il lui dit « Écoute, viens, j'ai rendez-vous avec une fille, mais qu'est-ce que je dois dire ?» lui dit son ami. Enfin, il y a quelque chose de très préparé du film. « Je ne viens pas si tu ne me dis pas exactement ce que je dois dire, à quel moment, etc. » C'est, oui, parce que Léo, dans ce film-là, est complètement devenu dingue d'une fille, jusqu'à un peu le chambouler dans ses habitudes un peu de dandy littéraire qui squatte Saint-Germain-des-Prés. Mais c'est vrai que Eustache fait plus penser à Bresson dans sa manière de mise en scène, quelque chose de très sec, notamment Les Petites Amoureuses, qui est un film absolument remarquable, on va sur dans son enfance, qui est très autobiographique, justement, sur son enfance, la découverte de la sexualité, mais quelque chose de très... En même temps, il y a toujours une dimension politique, justement, chez Eustache, comme il y a une dimension un peu politique, justement, chez Fellini, de montrer une certaine lutte des classes, disons les mots, clairement, de montrer que, finalement, ce petit garçon, dans Les Petites Amoureuses, n'arrivera jamais, finalement, à atteindre celle, plutôt, qu'il espère atteindre, parce que de son milieu, voilà, qui est trimballé dans un atelier... complètement déchiré. Il y a toujours cette dimension politique assez forte. Et toujours combattu sur du pourri, visiblement. Il a toujours une sorte de décadence. Marco, est-ce que vous allez en pèlerinage, justement, par exemple, au Flore, en pensant à Maurice René, ou au De Mago, en pensant à Jean-Pierre Léo? Est-ce que vous y allez, ou est-ce que vous avez des bistrots vraiment favoris à travers Paris, dans lesquels nos auditeurs et nos auditrices pour aller vous trouver? Alors, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Un copieux pourboire au Café de Flore. Qui est une noirceur apocalyptique. Oui, là, je me mettais dans les... dans la peau de l'écrivain qui espère trouver un éditeur et qui finalement n'y parvient pas. Alors évidemment, j'ai rajouté un peu de noirceur pour que ce soit plus drôle. Les cafés, moi je... j'ai pas forcément de lieu fétiche. J'avais eu, effectivement, je pense que le Silencio a été le seul lieu fétiche que j'ai eu. Ensuite, moi j'adore les vieilles brasseries. J'adore par exemple un lieu qui s'appelle le Petit Fer à Cheval dans le Marais. J'aime bien, je suis un nostalgique des vieilles brasseries. Donc, on parlait de cuisine tout à l'heure. Moi je déteste la cuisine contemporaine. Française notamment. La cuisine moléculaire. J'adore la cuisine de ça, c'est dépassé depuis quelques années. Oui, je vous charité. En tout cas, tout ce qui est trop étoilé ou gastronomique, ça me fait penser un virus. J'aime pas trop ça. Je préfère vraiment, je suis un grand amoureux de la cuisine de bistrot et des brasseries parisiennes, parce que je trouve que le cadre est splendide et la cuisine qui est présentée pour moi, c'est la vraie, qui est proposée, c'est la vraie cuisine française, c'est celle que j'aime. Oui, bah, Marco, nous allons partir du côté de un homme qui nous vient tout droit des États-Unis, qui nous lit un poème remarquable et qui lui également était un habitué des bistrots. Born like this, into this. As the chalk faces smile, as Mrs. Death laughs, as political landscapes dissolve, as the oily fish spit out their oily prey, we are born like this, into hospitals which are so expensive that it's cheaper to die, into lawyers who charge so much it's cheaper to plead guilty, into a country where the jails are full and the madhouses closed. Into a place where the masses elevate fools into rich heroes. Born into this, walking and living through this, dying because of this, castrated, debauched, disinherited because of this. The fingers reach toward an unresponsive God. The fingers reach for the bottle, the pill, the powder. We are born into this sorrowful deadliness. There'll be open and unpunished murder in the streets. It'll be guns and roving mobs. Land will be useless. Food will become a diminishing return. Nuclear power will be taken over by the many. Explosions will continually shake the earth. Radiated men will eat the flesh of radiated men. The rotting bodies of men and animals will stink in the dark wind. And there will be the most beautiful silence never heard. Born out of that, the sun hidden there, awaiting the next chapter. Les mots à la bouche. Chers auditeurs, vous l'avez reconnu, vous aviez Charles Bukowski qui nous récitait un poème et que Marco Caramelli, qui est en notre présence ce soir sur le plateau, récitait comme un véritable mantra. Robin, je crois que vous aviez une petite question à poser à Marco. Oui, effectivement, puisque nous sommes dans la partie de l'émission que nous appelons la tambouille, je voulais justement vous demander qu'est-ce que vous pensez de Charles Bukowski qui a la chance d'être en préambule de chacun de vos bouquins. Bukowski, pour moi, c'est un de ces individus qui sont totalement au-dessus du lot. Il a une histoire exceptionnelle. Il a écrit, entre les romans, les nouvelles, il a écrit peut-être 50, 60, 70. C'est exceptionnel. Il a commencé très tard en plus. Et pour moi, Bukowski. C'est un de ceux que je considère comme un de mes profs maîtres d'écriture. C'est ce que j'ai appris de Bukowski, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle page de n'importe quel bouquin. Il y en a 100 de bouquins. Vous lisez 10 lignes et en 10 lignes, vous allez prendre un flash incroyable en pleine figure. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Vous avez des auteurs, voilà, il faut lire 500 pages. Bon, vous dites, ouais, qu'est-ce qui est exceptionnel là-dedans? Et il faut aller écouter des critiques qui vous expliquent ce qui est exceptionnel là-dedans. Je pourrais donner des noms pour être méchant, mais voilà. Lui, c'est tout de suite, vous lisez, vous prenez n'importe quelle page, boum, ça explose. Une page en anglais, dans la langue originale. Ça, vous lisez, mais aussi en... Alors, c'est une chose qui vous tient à cœur, je crois. Absolument, moi, je pense qu'on ne peut pas traduire une œuvre d'art. Que ce soit la poésie, vous allez être d'accord avec moi. Mais comment traduire un roman? Moi, quand on me dit « Est-ce que tu aimes Dostoïevski ?», j'ai dit « Je ne peux pas, je ne parle pas russe ». On me dit « Ah oui, mais attends, c'est traduit ». Oui, mais pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on me dit « Ah non, mais attends, mais si, il y a des bonnes traductions ». Mais un individu a écrit des choses, et il y a un autre individu qui s'est amusé à dire « Bon, ben, peut-être que dans telle langue, ça pourrait se traduire comme ça ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas... Alors, c'est de l'histoire, effectivement. On peut lire, pour moi, de la littérature traduite dans une optique historique, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui a été dit par un tel, mais pas du tout dans une optique artistique. C'est un parti pris osé, oui. Il nous faudrait encore une heure pour pouvoir en débattre. Oui. Mais ce n'est pas du tout osé. Je veux dire, prenez... si ça vous intéresse, moi je vous voyez, j'ai apporté. Oui, vous avez apporté plusieurs éditions de Bukowski. J'ai pris le même bouquin de Bukowski l'édition en français. L'édition française. Voilà. Vous lisez une page de Bukowski en français, c'est ridicule. Moi, si j'avais découvert Bukowski en anglais, je vous aurais dit, mais le type, il écrit comme un pied. Vous lisez les mêmes phrases en anglais, c'est magnifique. Donc, moi, je maintiens, et j'ai d'autres exemples en tête. Je maintiens que quelqu'un qui ne lit pas un auteur dans sa langue originale n'a pas lu l'auteur. Il a, c'est comme si moi, je vous disais, voilà, je vais sur Internet, je regarde les cascades du Niagara. Oui, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Oui. Mais je ne peux pas dire j'ai vu les cascades du Niagara, ça n'a rien à voir. J'ai une image, voilà, je sais ce que c'est, que ça fait 120 mètres de haut, etc. Mais je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui est allé là-bas. Et pour moi, quelqu'un qui a lu une traduction... connaît l'œuvre exactement de la même manière que quelqu'un qui a vu un pays en vidéo. Ouais. Mmh. Eh bien, alors, c'est pas nul. Chez un écrivain français, alors Marco. Oui, votre univers. Théo. Votre univers m'a rappelé, en fait, non pas exactement l'univers de Houellebecq, mais l'univers des personnages de Houellebecq. En fait, on a l'impression que vous incarnez à merveille un personnage de Houellebecq sans. Peut-être le recul qu'il va prendre, peut-être en l'acceptant au premier degré. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Michel Houellebecq est un des rares, je dis rare pour faire une polémique, parce que sans polémique, on s'ennuie. C'est un des rares écrivains français qui vraiment me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. Alors, quelle est la différence entre ce que je fais et ce que fait Houellebecq? La première différence, c'est que lui, il vend... des millions d'exemplaires et que moi je n'ai même pas d'éditeur. Ça, c'est une très grosse différence. Et ensuite, sur le fond, c'est que Houellebecq, les personnages de Houellebecq sont des personnages qui n'aiment pas la vie. Les personnages de Houellebecq ne veulent pas avoir d'amis. Ils sont solitaires. Ils bouffent des plats surgelés, ils n'aiment pas la bouffe, alors que mes personnages adorent faire la cuisine, mes personnages adorent avoir des amis. Mes personnages sont finalement peut-être aussi pessimistes que ceux de Houellebecq, mais ils aiment les belles choses. Mes personnages aiment bien les belles fringues, aiment bien les beaux paysages, aiment bien s'amuser, aiment bien les femmes. Je pense que dans Houellebecq, même les femmes sont, ils les aiment, mais vite fait quand même. En fait, il y a une consommation du sexe qui est peut-être plus subie chez Houellebecq et qui chez vous est recherchée. Exactement. C'est-à-dire que les personnages de Houellebecq, ils ont tellement la flemme de tout qu'ils ont même la flemme des relations avec les femmes qui sont toute relation avec une femme, à moins d'être riche et célèbre. Et quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'efforts. Alors mes personnages sont prêts à investir. Mes personnages aiment tellement les femmes qu'ils sont prêts à tous les investissements, à y mettre le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut. Les personnages de Houellebecq, ils préfèrent presque aller Ils subissent la vie, donc ils subissent les femmes aussi. Ouais. Ils préfèrent aller s'enfermer dans une bibliothèque et lire un bouquin que de courtiser des femmes. Donc c'est vrai que les personnages de Houellebecq, les femmes arrivent là, donc il faut faire quelque chose. Mais ils ne sont pas proactifs. Ouais. Sylvain, je crois que vous aviez une dernière idée en tête. Et oui. Après, nous devrons clôturer l'émission. J'en dis rapidement sur effectivement Houellebecq, qui, dans un essai sur Lovecraft, disait « L'art convient à ceux qui ont marre de la vie ». C'est un peu ça. Et ça me permet aussi de rebondir sur Lynch, parce qu'on parle du Silencio depuis tout à l'heure, donc qui est une célèbre... réplique de Mulholland Drive, un des plus grands films sur le cinéma, avec Boulevard du Crépuscule de Wilder et Chantons sous la pluie de Donen. Mais c'est vrai que Lynch, il transforme un peu la machine en rêve hollywoodienne en fabrique à cauchemars. Et de ce point de vue-là, on peut faire un parallèle avec Pop Littérature, qui, encore une fois, je permets de faire un certain mix, mais Jérôme Leroy disait la littérature, elle ne doit pas être anxiolytique, elle doit être anxiogène, elle doit blasphémer. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut, vous retrouver là-dedans. Alors, pour le blasphème, dans Lola, un de mes romans, il y a une scène de sexe qui se passe dans une église désaffectée. Alors effectivement, je ne traite pas beaucoup de la religion dans mes écrits. Pourtant, je viens d'Italie, mais je disais au début de l'émission que il faut que les choses viennent des tripes. Et moi, même si je viens du sud de l'Italie, que ce soit ma mère ou mon père, ne m'ont jamais stressé avec la religion. Donc c'est pas quelque chose qui pour moi, alors que chez Fellini par exemple, elle est omniprésente parce que lui a vécu une époque où la religion était oppressante. Moi, ça n'a pas été mon cas, et donc je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai voulu dans Lola faire mon petit coup de blasphème contre la religion en présentant une scène de sexe dans une église désaffectée. Rassurez-vous, Marco, vous n'avez pas blasphémé Diego Maradona, donc à mon avis, les Napolitains ne vous en voudront pas. Car, mes chers amis, les mots à la bouche prennent fin, mais rassurez-vous, ils continueront à prendre feu par le biais d'un podcast que nos auditeurs trouveront sur le site de Web7 Radio. Il est 21h passé, ou même 21h14, il est sans doute trop tôt pour aller en boîte de nuit au Silencio, et il est malheureusement trop tard pour courir en librairie. Mais je vous remercie infiniment, cher Marco Caramelli, d'être venu nous rendre visite et vous prêter au jeu des mots à la bouche. Je vous le rappelle, on peut trouver vos romans, Marco, Lola et Single, sur les sites de Kobo, Amazon, Kindle ou sur la Fnac. Et votre recueil de nouvelles que j'enjoins vraiment nos auditeurs à lire, Les Nouveaux Monstres, est disponible chez l'éditeur Bruit Blanc. Je remercie également notre réalisateur du soir, Juan Belleville, qui s'en est très bien sorti. Et vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et de bonnes lectures. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part. Ceux qui tutoient les anges. Les mots à la bouche.